15e chapitre, le pardon de Saint Jean du Doigt. Morlaix, sur le quai de Tréguier, le 22 juin au soir, des mendiants couleur de feuilles mortes s'en vont vers Saint Jean du Doigt. Je croise une famille de guenilleux, le bruit de leurs bâtons sur les cailloux de la chaussée emplit les oreilles. Ils vont marcher et béquiller toute la nuit. De l'est à l'ouest et du sud au nord, j'en devine d'autres. Ils montent vers la mer, vers le pardon. On appelle pardon, en Bretagne, les cérémonies à la fois sacrées et profanes qui attirent, chaque année, des milliers de pèlerins autour d'une église, d'une chapelle ou simplement d'une fontaine placée sous le vocable d'un saint vénéré. Chaque pardon a sa signification et des usages immuables réglementent l'ordre et la marche de ces assemblées religieuses. Rien n'est laissé à l'imprévu et le programme de ces jours fériés réédite les fastes et les coutumes de l'ancien temps. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, le pardon demeure l'expression de la Bretagne croyante et fidèle à son glorieux passé. Nous citerons, parmi les plus célèbres, le pardon de la Troménie qui n'a lieu que tous les 7 ans, à Locronan, vaste basilique des environs de Quimper. Les pèlerins de la Troménie, quelquefois au nombre de 10 000, processionnent sur un parcours de 4 lieues à travers champs, par-dessus les fossés, dans les terres labourées, et sont même obligés de se déchausser pour traverser une petite rivière, heureusement basse à cette époque de l'année. Ce parcours reçoit le nom de chemin de Saint Ronan. La légende veut que cet apôtre de la Cornouaille ait suivi souvent cette longue route et, par un souvenir touchant, les bons Bretons accomplissent à chaque anniversaire cette pérégrination pittoresque. Les pardons de Saint-Yves dans le Trégorois, de Rumingol et de Sainte-Anne-la-Palude dans le Finistère sont plus spécialement religieux et sévères. D'autres, comme celui de Notre-Dame de la Clarté, au pays morbihanais, ont un double but, honorer les saints et faciliter les mariages. Les jeunes fermiers, en quête d'épouse, se promènent autour de la chapelle et, quand ils ont fait leur choix, offrent des amandes douces à la jeune fille. Si la pèneresse, jeune fille à marier, accepte le cadeau, le garçon achète un gâteau rond et prononce « Mademoiselle veut-elle casser le gâteau avec moi ?» Ils se considèrent alors comme engagés vis-à-vis l'un de l'autre. Aussitôt après, les deux familles se réunissent et débattent les conditions du mariage. À Créachiguel, près de Rosporden, les jeunes gens de Fouesnant, Pont-Aven, Quimperlé et Sker se rassemblent pour la procession et les bals. Ce pardon dure 3 jours et l'on y voit les costumes brodés et les collerettes gaudronnées. En juillet, les touristes accourent à Guingamp. La procession de Notre-Dame de Bon Secours et les feux de joie allumés nuitamment forment un spectacle extraordinaire. Le défilé de 10 à 15 000 pèlerins, le cierge ou la torche au poing à travers les rues moyenâgeuses de la vieille cité, mérite un voyage. La fête commence à 10 h du soir et dure jusqu'au matin. Il nous faudrait citer encore les pardons de Fouesnant et sa procession maritime, les bénédictions de la mère de Concarneau, Douarnenez, Tréboul, et énumérer les petits pardons finistériens ou morbihanais consacrés à la glorification des oiseaux, comme à Toulfouesne, ou bien à l'hommage des bœufs, comme à la chapelle des Marais, à Saint-Herbault, à Carnac. À 6 h du matin, je grimpe sur l'impériale de la diligence de Trégastel. Le courrier ne dessert pas Saint-Jean, mais s'arrête à 2 km du village. Morlaix s'éveille dans les brumes blanches. Des pèlerins s'acheminent. Rencontrer 4 vieilles paysannes appuyées sur 4 bâtons d'épines blanches. Elles ont demandé leur chemin en breton. Leurs yeux paisibles regardent la route déjà éblouissante. Puis toutes 4 penchées sur leur trique, d'un mouvement de vague qui ondule, elles sont parties. La voiture m'entraîne vers Saint-Jean. Oh, les rudes côtes pour les bêtes essoufflées! Et l'on monte des collines rondes, grandes mamelles d'un vert frais sous le ciel léger. Traverser des villages, Les hommes fagotaient des amas de landes sèches et dressaient en pyramide des branchages. Ce soir, les paysans tourneront des rondes autour des bûchers en flammes. Nous arrivons à Plouganou, un bourg avec une place carrée, une église et son cimetière, des maisons à grosses pierres cernées d'un large trait blanc. C'est rigide et propre. Les gens derrière leurs carreaux ont une vue sur les tombes et la mort, toujours. Je descends de la voiture auprès d'un oratoire en plein vent et je longe la côte. Le paysage m'apparaît simplement grandiose, une mer d'indigo, des grèves jaunes et des collines vertes. Je ne vois rien encore de Saint-Jean, mais le bruit de la foule m'arrive, fondu en un mugissement endormeur. Le sentier dégringole. Sur la pente, les premiers mendiants installés en avant-garde guettent les pèlerins. Devant moi, un affreux estropié, la face en zigzag, le nez perdu en un remous de chair, psalmodie ses lamentations, bras écartés. Il barre le chemin et semble le portier de ce pardon de mendiants. L'église et le village de Saint-Jean se tassent au fond d'une vallée. Les arrivants, piétons ou voitures, coulent vers le bas de la place ou se versent dans le cimetière. Je passe l'arc de triomphe et les frais jaillissements d'un château d'eau retiennent mon attention. De vieilles femmes armées d'écuelles offrent le liquide aux pèlerins. Les paysans boivent ou se frottent le visage de leurs paumes trempées. Daudendal, Dauden Malourosdal. Ces mots vibrent comme des cymbales. Pauvre aveugle, pauvre malheureux aveugle, braille l'homme en breton. Je suis en pleine mendicité. La misère se range en bataille, s'accroupit, se couche, rampe, se tord ou s'érige, fouille ou recule. Les yeux, les mains, les attitudes mendient. Un innocent bêle sa demande et joue de ses doigts incroyablement souples. Vêtu en femme, il trépigne. Deux frères s'accotent avec chacun une seule jambe. Ici, l'horreur des chairs tuméfiées. Un jeune gueux, au profil rongé et les muscles de son cou tendus comme des cordes, saute devant moi à la façon des crapauds. Là, les étalages de moignons, là, les pieds beaux, là, toute la racaille professionnelle qui entretient avec de l'herbe au chat de factices inflammations. À l'ombre d'un mausolée dorment les petits-enfants des mendiants. Plus loin, des gens entourent une épileptique. Elle est tombée sur une fosse fraîche et la malheureuse rue et braille. Dans ce coin, des morceaux d'hommes. Pas un n'est complet. Où est ta jambe, le vieux? Et toi, le fils? Tu n'as plus de bras et la gamelle de fer aux dents, tu mendis comme un chien? Daudendal, Daudendal, répète le grand aveugle, dont la voix résonne comme un gong. Le son des cloches jette aux quatre vents du ciel l'annonce des vêpres. Des chanteurs se hâtent de crier vite et fort. Je lis comme titre de leur complainte « Histoire admirable ». Soudain, le claironnement des cuivres couvre la voix des crieurs. Des gars de Bretagne, la trompette aux lèvres, le fusil sur l'épaule, passent l'allée du jardin des morts, sonnant à plein poumon. Les soldats amateurs s'élancent dans l'église, se placent devant le chœur, présentent et reposent les armes. Les trompettes chantent éperdument. Le clergé se forme processionnellement. Les dalmatiques d'or étincellent. Les bannières, les cierges, les oriflammes balancent aux mains des jeunes filles. La foule déborde la nef. En dehors du porche, des fidèles suivent les vêpres. Sur les tombes, des rangées de bonnes gens dos à dos égrènent des chapelets, tandis que leurs enfants courent autour de l'ossuaire. La sortie s'effectue avec joie. Les visages tournés vers le haut du clocher considèrent une corde de 300 mètres qui part de la croix de fer et rejoint le sommet de la colline voisine par-dessus le village. La procession s'avance, étendard flottant. Les pèlerins précèdent, encadrent ou suivent les rouges oriflammes, les croix et les chapes des prêtres. Filles vêtues d'azur, coiffées de cornets de mousseline, matelots qui portent un navire votif avec des canons à poudre, paysans verts, bruns ou violets, s'enlèvent sur l'outre-mer des flots. Je vois un pèlerin accompagner le dais, tête et pieds nus. Un autre se prosterne dans la poussière, un autre traîne son lamentable corde infirme derrière les reliques. Des abbés promènent une minuscule chapelle d'orfèvrerie. Elle contient, dans un écrin triplement scellé d'émail, de pierreries et d'or, le doigt de Saint Jean-Baptiste. Les vieux Léonards vous raconteront qu'autant jadis, existait en Normandie une basilique édifiée en l'honneur des reliques de Saint Jean-Baptiste. Un jeune ouvrier breton, pieux comme un ange, ne faisait rien sans prendre conseil de son saint patron Jean-Baptiste. Il lui confia qu'il désirait retourner dans son village. Une voix secrète parla : « Retourne chez toi et tu seras glorieux. » Il partit dans la nuit. Soudain, un grand choc le jeta par terre et il fut inondé de lumière. Il se releva et, comme il marchait, les arbres le saluaient, les troupeaux s'agenouillaient, les maisons tremblaient. Alors il reconnut, attaché à ses vêtements, l'étui de vermeil renfermant l'index de Saint Jean et il le vénéra. Le brave garçon, rempli de joie, remit entre les mains de son recteur la merveilleuse relique qui avait si bien manifesté son désir de venir en Bretagne. Le chef de Saint-Mériadec, porté sur un brancard par les diacres, suit l'index miraculeux. Une bannière domine de sa haute taille le défilé processionnel. Tissée de soie et de métaux précieux, elle inscrit dans un médaillon la représentation du baptême de notre Seigneur par Saint Jean-Baptiste. Un montagnard de Cornouailles tient la hampe. Il faut une force considérable pour maintenir droite la formidable bannière. Mais le gars veut se distinguer, et au moment de passer le calvaire au carrefour de la route, il incline la hampe jusqu'à l'horizontale et la redresse énergiquement. C'est un salut athlétique. Cependant, les pèlerins remontent les routes et leur multitude couvre la colline. Proche une fontaine, un gigantesque cône de sarments et de fagots se dresse, surmonté d'une croix enguirlandée de fleurs artificielles. Bientôt, au signal du clergé, des servants font partir un feu d'artifice en plein jour. Les soleils, les gerbes, les chandelles romaines éclatent d'une manière invisible. L'on aperçoit seulement des pompons de fumée. Pourtant, les regards se tournent vers le clocher et s'accordent. Le sacristain, là-bas, fixe une fusée sur un petit chariot. Dirigé par le filin, le pétard enflammera les fagots. Le vieux recteur lève les bras. À ce signal d'une galerie du clocher, s'échappe un serpent de feu qui vient se jeter sur les sarments. Le feu de joie flambe et sa fournaise apparaît un peu rouge sombre dans l'air radieux. La foule éclate en transport et redescend au cimetière. Je suis porté jusqu'au fond de l'église par l'irrésistible impulsion des pèlerins. Au grand autel, un abbé en surplis tient dans sa main, enveloppée de linge fin, le précieux étui du doigt de Saint Jean. Les fidèles se pressent pour subir l'attouchement de la relique. Ils passent vite et le prêtre frotte leurs yeux avec l'index d'or. Je vois de petits enfants qui rient sous le chatouillement et veulent saisir la relique. Près de la chaire à prêcher, une balustrade entoure un gros pilier. Au milieu de cette enceinte, le recteur élève des deux mains le crâne de Saint Mériadec, enfermé dans une tête d'argent. Il impose les ossements vénérés aux pèlerins. Les plus grands des paysans baissent le front sous le contact. D'autres, plus petits, se dressent et veulent maintenir le plus longtemps possible leur nuque en communion avec le grand saint. Quelques femmes exaltées retiennent la relique. « Dour arbis !» annonce la forte voix d'un vicaire, et les pèlerins s'empressent à une fontaine attenant au bas-côté de l'église. Deux hommes portent des cierges enflammés comme des glaives flamboyants. Un prêtre penché sur l'eau descend dans la vasque, le doigt de Saint Jean au bout d'une chaînette d'or. Dour arbis, l'eau du doigt. Les fidèles plongent hâtivement leurs paumes et les ramènent pleines d'eau bénite dont ils frottent leurs yeux. Près de la vasque, sur un plat de bois, la tête décollée de Saint Jean-Baptiste repose, entourée de roses rouges. Et il vient de vieilles femmes qui embrassent à pleines lèvres le front du martyr. La ferveur des pèlerins augmente. Les porches ne suffisent plus à livrer passage aux nouveaux venus. Des remous, des vagues, des flots d'êtres déferlent. L'abbé du grand autel se lasse de toucher les paupières. À l'hémicycle de Saint-Mériadec, la ronde ne cesse pas. Comme un Morbihanais gris de poussière passe devant moi avec sa femme et deux enfants, si épuisés qu'ils ferment les yeux, je leur demande « D'où venez-vous » « De Saint-Jean-Brévelay » répondent-ils. « Nous repartirons cette nuit. » N'est-ce pas joli, ce père, cette mère et leurs deux petits, retournant dans la nuit bleue aux lointaines landes morbihanaises? Et ils marcheront ainsi, trois soleils et trois lunes, emportant dans leur cœur la certitude d'être exaucés. Mais les mendiants se ruent à leur tour dans la nef. Ils torchonnent la poussière des dalles avec leurs guenilles. À mes pieds, une sorcière rampe. Ses mains se crispent à des triques de bois emmaillotées de draps. Ses sabots ferrés raclent sur le granit. Des idiots se dandinent avec stupeur. Comme contraste à ces laideurs, une jeune mère élève son fils dans ses bras jusqu'à une torchère. Le bébé, d'une main tremblante, essaie d'y ficher un petit cierge. Mais les flammes l'éblouissent et ses cheveux lui retombent sur le nez. Il n'y voit plus et de grosses larmes de dépit coulent sur ses joues. Le pardon religieux est terminé. La fête profane va commencer. À Saint-Jean-du-Doigt, elle ne diffère pas sensiblement de ce qu'on nomme les assemblées dans la Haute-Bretagne. Mais ce qui ajoute ici à l'effet des réjouissances populaires, c'est l'encadrement de cette kermesse, son paysage d'une gaieté intense, les belles essences de ses arbres, les collines verdoyantes avec déjà par longues traînées leur pâle des épis presque mûrs, l'église, son arc de triomphe, son ossuaire, son cimetière et son château d'eau se dressent, harmonieusement disposés en haut de la grande et unique rue. C'est un fait admis, et je n'y disconviendrai pas, que le Léonard, ordinairement mélancolique et silencieux, possède une puissance de braillement incomparable le jour du pardon. Une cohue d'une rare densité me forçait à une promenade très lente. Je me trouvais dans le quartier des Fritures. À l'abri d'une cour, des escouades de poils étaient disposées en bataille. Des cuisinières, aux visages enflammés, fricassaient impitoyablement de petites saucisses tordues par la chaleur. Un certain pâté de porc était soumis, au moment de la vente, à une deuxième grillade. Accroupies, des femmes de pêcheurs surveillaient la cuisson de leurs sardines. Des relents de saumure, des fumées âcres mettaient en appétit les clients, car on les voyait se disputer avec des mots précipités et abondants un pauvre petit poisson réduit à la taille d'une allumette par une fricassée trop prolongée. D'ailleurs, cette cuisine ne dépasse pas les prix raisonnables. « Combien vos galettes, ma bonne femme ?» demandai-je à une modeste commerçante. « 2 pour 1 sou. Tiens, monsieur achète. C'est bon comme de la crème fraîche. Prends donc. » Assise sur un tronc d'arbre au milieu d'un champ, des femmes vêtues de noir, aux yeux noirs et aux noires pensées, attendent mélancoliquement le retour de leurs hommes. Ils boivent là-bas sous les tentes dressées. Ce soir, leur grosse ivresse s'épanchera en hurlements et en coups. Le crépuscule est venu, des vapeurs montent de la mer. Le flot s'est retiré de la grève de Saint-Jean, très morne. Plus loin, les rochers roux dentellent l'horizon, et des îlots de plus en plus petits, de plus en plus rongés, s'égrènent, s'enveloppent de brume, disparaissent. Un briquet glisse dans une douceur de songe. Il détache sa mâture sur les bandes perlées du firmament, et ses voiles paraissent des éclaircies. Cependant, quelques balayures de carmin sur la muraille fluide du ciel annoncent l'agonie du soleil. Une sensation de paix immense repose de la belle exubérance du pardon. Et je vois venir, sur le chemin du village, des silhouettes couplées. Les amoureux, suivant la coutume antique, se promènent le soir de la Saint-Jean. Ils se tiennent par le petit doigt qui est celui du cœur. Les garçons portent des baguettes écorcées de leurs mains libres. Je vois les fiancés se regarder dans l'ombre, puis, épaule contre épaule, rentrer dans la nuit. Maintenant, il fait très sombre. Des feux de joie flambent sur des grèves lointaines et la mer réfléchit les flammes et les tourmente au gré du flot.